Donc bon, bonjour à tous. On va recommencer aujourd'hui avec une session intitulée Le temps en image. Donc avec trois interventions, la première par Laure Braillet. Donc avec Hélène Bailleul et Georges-Henri Lafont pour discuter un petit peu tout ça et évidemment des échanges avec la salle riche et nourrie. Bonne journée. Bonjour. Donc mon intervention s'intitule Raconter l'espace et le temps, la narration dans les dispositifs filmiques. Et donc je vais commencer par me présenter rapidement. Donc je suis architecte, j'ai suivi le parcours de recherche du master à l'école d'architecture de Grenoble. Et ensuite j'ai continué directement en thèse en commençant ma thèse décembre 2009. Au cours de mes études d'architecture, j'ai toujours été sensible à la phase d'analyse du site qui constitue la première étape de tout projet situé. Et en développant une très vive préoccupation pour l'in situ, le déjà là, il me semblait que le projet architectural devait puiser dans les potentialités du site pour se réaliser. Et pour cela, il fallait déjà chercher à comprendre le site de projet. Donc dans ses bagages, l'architecte a de nombreux outils pour analyser un site. Ces outils s'attachent à relever en premier lieu l'organisation spatiale selon différentes échelles, la fonction des éléments construits et les usages qui en découlent. Néanmoins, la dimension temporelle est peu abordée au cours de l'analyse. Soit l'on considère le temps sous l'angle de la réalisation du projet, en délimitant alors un avant et un après. On voit donc des éléments de représentation, dans les éléments de représentation, un état des lieux avant projet et des vues de l'état après projet. Soit, si l'on considère les usages au cours de l'analyse, on fera référence à des temporalités assez figées et séparées, fonctionnant de manière découpée et partitionnée. On soulèvera alors l'importance de la variation des saisons, par exemple, de la semaine et du week-end, du jour et de la nuit. Mais pour moi, il y a une réelle ambivalence dans la pratique de l'architecture concernant la pensée du temps. Je pense qu'on est sans cesse tiraillé entre une pensée du temps phasée et une pensée du temps en mouvement. D'une part, la commande, tout comme la réalisation d'un bâtiment, sont ordonnées selon un calendrier découpé en phases, agencées dans un ordre précis. Tandis que d'autre part, la pratique même de la conception se réalise dans le mouvement. Mouvement du projet en train de s'élaborer par le dessin. Les plans sont dessinés et redessinés sans cesse. Le projet s'établit par aller-retour et par couches successives. Or, ce temps en train de se faire, en mouvement, semble pourtant absent de la compréhension du site, de l'existant. Donc, c'est cette première interrogation qui m'a conduit à m'intéresser à la notion de taskscape, proposée par l'anthropologue britannique Tim Ingold, comme l'interprétation d'un paysage en train de se faire. Le taskscape est l'idée qu'il y a une co-configuration d'un lieu et des pratiques qui l'accueillent. Ingold écrit en 93 « Un lieu doit son caractère aux expériences qu'il offre à ceux qui y passent du temps, les vues, sons et odeurs qui constituent ses ambiances spécifiques. Et celles-ci, à leur tour, dépendent des types d'activités dans lesquelles ses habitants s'engagent. » Donc en suivant Ingold, nous voulons être attentifs à la manière dont les corps en action participent à la création d'une ambiance et d'un lieu au quotidien. Cette question de la transformation ordinaire des lieux m'amène à penser les relations entre l'espace et les corps dans la durée. Dès lors, le lieu ne peut plus être considéré à partir d'états figés, mais dans le temps en cours, dans le mouvement, puisque son ambiance et ce qui le constitue, le rendent fondamentalement dynamique. Donc ce passage d'un lieu comme objet figé ou phasé à un lieu comme objet processus nous amène à reconsidérer les outils que l'architecte possède pour analyser un lieu. Donc dans mon travail de thèse, je questionne la portée opératoire des dispositifs filmiques quant à la compréhension et la mise en projet des espaces publics urbains qui sont donc considérés comme des lieux en perpétuelle transformation. Il est important de préciser que cette réflexion sur la pratique filmique ne s'établit pas, bien sûr, au détriment d'autres outils d'analyse et techniques de représentation. Mais ici, c'est bien la portée opératoire des dispositifs filmiques qui est interrogée, c'est-à-dire comment les dispositifs filmiques peuvent-ils aider la recherche urbaine, la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage à penser la dynamique de l'ambiance dans les espaces publics urbains. Pour reprendre les mots de Laplantine, François Laplantine, dans Le social et le sensible, filmer, c'est filmer le sensible, c'est-à-dire les émotions du corps. Filmer, c'est filmer ce dernier en groupe, c'est-à-dire pris dans de minuscules interactions sociales, comme dans Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch. Filmer, c'est filmer le corps en mouvement, c'est-à-dire créer de la durée. La réalité sociale filmée, c'est-à-dire transformée, nous permet de comprendre la réalité sociale vécue, distincte de la vie du film, n'est jamais un état, mais un potentiel de transformation. Dans mon travail, je considère la relation entre l'espace et les corps dans la durée comme une façon de vivre et de concevoir le temps d'un lieu. Il me semble donc important de considérer les dispositifs filmiques comme différents registres de mise en forme du temps. Le médium du film comprend de manière intrinsèque la question du temps, puisque le temps est une dimension de son expression, de sa construction et de sa réception. Dans la pratique filmique, le concepteur-réalisateur se positionne donc forcément par rapport au temps. Le temps peut être alors manipulé, on pense par exemple à l'accéléré, au ralenti, au time-lapse, qui est une technique de captation ralentie pour une projection accélérée, ou encore au compositif, qui ne propose pas un montage linéaire, mais condense en fait dans un même cadre différentes images en durée réelle. Donc les manipulations possibles du temps orientent la perception de la réalité temporelle. Claudine de France, par exemple, explique que dans le cadre de sa pratique filmique en anthropologie visuelle, le ralenti synchrone de l'image et du son est utilisé pour la micro-analyse des techniques du corps, tandis que l'accéléré est au service de la macro-analyse des comportements dans l'espace et le temps. Mais le concepteur-réalisateur, s'il décide de conserver la durée réelle et donc de ne pas manipuler la vitesse d'enregistrement ou projection des images, va néanmoins se positionner par rapport à cette durée, et cela au cours des trois phases du travail filmique, c'est-à-dire au moment de la captation, au cours du montage, bien sûr, et lors de la restitution. Donc au moment de la captation, par exemple, les mouvements de caméra participent à la mise en forme du temps, de sa perception et de son intention. Donc on va s'arrêter très rapidement sur un exemple qui est celui d'un même mouvement de caméra, qui est le panoramique latéral. Et pour cela, on va voir deux plans issus de deux films. Donc le premier plan est issu du film Tasquette Urbain, Regard sur cinq métropoles. Est-ce qu'on peut peut-être être... Ouais. Je ne suis pas sûre qu'on voit grand-chose. Merci. Dans ce premier plan, le panoramique participe à une mise en tension dans le mouvement entre ce qui est présent immédiatement d'un point de vue sonore. On entend la présence sonore des deux hommes en train de faire leur lessive dans des bidons métalliques. Et en fait, on découvre d'un point de vue, que l'on découvre d'un point de vue visuel dans la durée. Et donc, on va maintenant voir un deuxième plan issu du film The Social Life of Small Urban Spaces de William White. Le son n'est pas très important. Et donc dans ce second plan, le mouvement de panoramique latéral est identique. Néanmoins, il se concentre sur les passants d'un trottoir de Manhattan. Ce mouvement de caméra suit le mouvement des piétons dans le temps de sa réalisation. Cette focalisation sur les corps en mouvement participe de ce que Claudine de France appelle un soulignement radiaire, permettant d'offrir à certains faits et gestes une position centrale dans l'image. Donc dans ces deux exemples qui respectent le temps réel, il y a deux attitudes déjà qu'on peut relever face au temps. L'une de découverte qui confronte un déjà-là sonore et confirmé par un avenir de l'image à partir du mouvement de caméra, donc dans le premier plan. Et dans le second, l'attitude est celle d'un accompagnement qui accentue le temps perçu comme celui d'un déplacement. Mais donc pour recentrer le propos sur ce que j'avais proposé aujourd'hui, donc voilà, j'avais proposé de nous intéresser à la narration comme moyen de raconter l'espace et le temps, et plus précisément comme moyen de qualifier dans la durée la relation toujours changeante entre les corps, qui sont corps actants et percevants, et l'espace. Donc si Godard disait deux images et c'est déjà une histoire, la narration comme dispositif d'énonciation associé à la juxtaposition des images audiovisuelles pose en fait question. De nombreux théoriciens de l'anthropologie visuelle ont mis en garde contre les possibles dérives du commentaire. Nous savons tous qu'un récit peut modifier notre perception de la réalité, faire parler tout autrement les images. Mais donc c'est donc en connaissance de cause que nous allons nous intéresser à deux films qui mettent en œuvre deux postures bien distinctes face à la question de la narration. Ces deux films sont réalisés par des artistes, mais en fait, on ne peut pas dire qu'ils s'inscrivent dans un genre cinématographique précis. Dans les deux cas, il ne s'agit ni entièrement de fiction, ni entièrement de documentaire. Ces films entremêlent les deux aspects, et notamment grâce au récit. Donc nous allons nous intéresser à un premier film qui, par le commentaire et en fait sa subversion, va en quelque sorte fictionnaliser le réel et nous proposer une lecture dynamique de l'ambiance d'une rue londonienne. Il s'agit de The Girl Chewing Gum de John Smith, réalisé en 1976. Et un second film ensuite, qui par la discrétion du récit incarné, propose une perception visuelle et sonore de l'ambiance d'un parc de Taipei dans un moment d'orage. Donc il s'agit du film Taipei de Dominique Gonzalez-Forster, réalisé en 2000, et dont on va voir des extraits. Donc le premier extrait concerne le film de Smith. Il est assez long pour qu'on ait le temps de s'imprégner un peu. Il est en anglais et je n'ai pas mis le sous-titre puisque le deuxième exemple de film en fait s'intéresse à des sous-titres, donc j'avais pas envie de brouiller les pistes. Ouais. Slowly move the trailer to the left. And I want the little girl to run across now. Hold that trailer there. Now move the trailer off. Right, now I want the old man with white hair and glasses to cross the road. Come on, quickly. Look this way. Now walk off to the left. Okay, fine. Now let's have the man in the pink cap. Put the cigarette in your mouth. Good. And I want the two girls to come in from the right, talking to each other. Now I want the Jamaican family. Father first. Look in front of you. Now the mother of the two boys. And I want the smaller boy to point to the right and now cast a glance behind him. Now, I want the girl with the bag under her arm to walk to the right. Now let's have the man rubbing his eye. Good. Right, now I want everything to sink slowly down as the five boys come by. Hold it. And I want the clock to move jerkily towards me. Stop. Now, I want the long hand to move at the rate of one revolution every hour, and the short hand to move at the rate of one revolution every 12 hours. Now, two pigeons fly across, and everything comes up again until the girl chewing gum walks across from the left. Okay, now, the van, the woman and the boy, the man with the bag of chips, the car roof, the whole car, the old man, the car, the car and the boy, the motorcyclist and the lorry. Now, when the woman at the window looks in this direction, I want everything to move a bit further away. Right, let's have the man in the white boiler suit coming in from the right. Stop at the lamppost and fold your arms. Now, look around you. Walk back to the left again. And look left and right as you cross the road. Now, I want the man reading exchange of marks coming from the right. Now a man comes by and bites his nails, two pigeons fly past from right to left, and two boys run past from left to right. The woman at the window looks this way and then goes on talking. In a second, I want four boys to come from the left, and I want one of them to look this way and flap his arms up and down. I'd like the boys to remain in more or less the same position while everything else moves to the left and goes away a bit at the same time. Lift up your arm. Now bring it down. Now I want the man with the turban and briefcase to come in from the right. And now the van marks University of London, Senate House, London WC1. In the cinema queue, I want to see a boy and his mother. The boy will be about 8 years old and his mother about 32. They'll both have collar-length hair, his dark and hers fair. She will be wearing a suede head coat with a white imitation fur collar. They'll be talking to each other and looking around them. Now, I want the man coming in from the left in the grey peak cap to put on his glasses. The boy will look at his watch and yawn, then look at it again and say something to his mother about the time. The three children eating chips, the French woman, the window cleaner in his van, the greengrocer, the pigeon, the red jaguar, the taxi, the man, the van, the negro with the briefcase and the newspaper, the woman firmly gripping the hands of her two young sons. They stop. And now they cross the road. The man in the grey pink cap takes off his glasses again and puts them in his breast pocket. The man with the walking stick is going home. The dentist continues on his way to the bank, and the two naughty boys appear from behind Steels, the plate glass manufacturers, and cautiously cross the road. Steels is situated in an area with a high immigrant population, predominantly West Indians and Greeks. Outside the building, above its main doors, is a board advertising vacancies at the firm. Until recently, I thought the jobs were advertised on the board in two languages, English and Greek. However, a few weeks ago, I studied the board carefully and realized that I'd been wrong. Each vacancy has its own slat in the board, and the words, glass cutters, bevelers, bench fitters, etc., are cut out of these slats, which are made of perspex. When a vacancy no longer exists, the slat advertising it, which has a central pivot at each end, is swiveled around. The words that I believe to be Greek were in fact upside down back to front English. Steele's also has another interesting feature. Along each wall of the building, there are 8 large doors that are kept wide open throughout the year. I'm shouting into a microphone on the edge of a field near Lechmore Heath, about 15 miles from the building you're looking at. Voilà, donc j'ai arrêté l'extrait de film ici, parce que du coup à ce moment, Smith commence à nous expliquer qu'il est dans un champ à 25 km du bâtiment et qu'il crie dans un mégaphone. Et donc il va ensuite décrire la scène autour de lui, le champ, les vaches, etc. Même si cette rupture radicale dans la narration est très intéressante, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le statut de la narration de la première partie de ce film donc, que vous venez de voir. Et donc on va juste voir maintenant l'introduction du film Taipei de Dominic González Forster. Smith a filmé ce qui se passait à l'angle d'une rue animée à l'est, située à l'est de Londres, et l'un de ses amis a procédé au même moment un enregistrement sonore qui a ensuite été post-synchronisé. Et dans un second temps, il a apposé à la bande-son une narration rédigée de façon à ce que le spectateur ait l'impression qu'ils sont en train de diriger l'action filmée, de donner des instructions tel un réalisateur. Au cours du premier enregistrement, certains éléments étaient prévus, comme par exemple le fait de filmer l'horloge, afin de pouvoir ensuite la diriger. et d'autres éléments étaient improvisés, comme des mouvements de caméra suivant certaines personnes. Donc à partir de cet enregistrement de l'existant, il a créé la narration et a donc procédé à ce que l'on pourrait appeler une fictionnalisation du réel, puisque les personnages et certains détails sont des éléments de la réalité filmée qui constituent la base de la fiction, comme par exemple le bruit strident de l'alarme qui est dans l'enregistrement sonore original. Donc en suivant l'expression de Michel Tournier, on pourrait presque qualifier le récit présent dans ce premier film de journal extime, c'est-à-dire un journal qui sonde l'intimité d'un territoire extérieur, fait de découvertes, d'observations et d'anecdotes. La représentation du temps qui est proposée dans ce film est en fait tournée vers la vie de la rue, l'extériorité du rythme urbain. Tandis que dans le récit du second film, Taipei, ce récit pourrait s'apparenter à un journal intime, qui sonde l'intimité d'un territoire intérieur, fait d'impressions, de sensations et d'émotions. La représentation du temps est ici, dans le film Taipei, subjective, tournée vers le vécu de la vidéaste. Taipei est issu d'un ensemble de 11 films courts, réunis sous l'intitulé Parc Central, et ces films sont en quelque sorte des carnets de voyage. Ils prennent d'ailleurs pour titre le nom de la ville dans laquelle ils ont été tournés. Et dans Taipei, Gonzalez Forster nous invite à partager sa visite d'un parc urbain lorsqu'un orage éclate. La vidéaste nous ouvre sa pensée par une narration présente uniquement en sous-titres. Le dispositif audiovisuel sous-titré est ici employé comme geste de narration, proposant un récit de l'expérience du lieu dans la durée. Les images et les sons, bien que montés, nous permettent de saisir le contexte de la situation pendant que les sous-titres nous ouvrent la voie à la subjectivité de la vidéaste. Donc la place, le registre et le mode d'apparition de la narration sont très différents d'un film à l'autre. Chez Smith, la narration a une place prépondérante. Elle s'expose par la voix du narrateur, qui parle en anglais sur un ton dirigiste. Ce ton est employé principalement dans la première partie du film, où l'on remarque l'emploi récurrent de l'impératif présent, par exemple « arrêtez-vous » ou « croisez les bras », et l'expression « je veux ». Je veux que les deux filles qui parlent arrivent par la droite, je veux que la grande aiguille fasse un tour complet toutes les heures, je veux que la rue recule un peu. On voit d'ailleurs à travers ces exemples que Smith dirige autant les personnages que l'espace, le temps et le mobilier. Néanmoins, dans la seconde partie du film, le doute apparaît. La parole devient informative et non plus uniquement impérative, et le « je veux » se transforme progressivement en « je crois ». Cette modification du récit, ainsi que l'arrêt du son « in », pour ne conserver que la voix de Smith parlant dans un mégaphone, contribue à l'enrayement du dispositif de commentaire et en fait la mise en critique de son aspect surplombant. La voix de Smith tient une place importante dans l'espace sonore, elle est quasiment continue et couvre certains détails sonores de la rue. De même, la voix se fait entendre quasiment dès l'apparition des images filmées. A l'inverse, chez Gonzalez Forster, la narration se fait plus discrète. Elle n'est pas sonore mais textuelle, visible dans les sous-titres écrits en français, et elle apparaît une dizaine de secondes après l'image. Pour accéder à la narration, il s'agit de savoir lire le français, mais en plaçant la narration en sous-titres, celle-ci ne vient pas altérer la dimension sonore de la scène filmée. Donc la narration se situe autour de la situation, la visite d'un parc urbain, perturbé par un événement imprévu, un orage tropical. Ainsi, le présent de l'indicatif décrit principalement la pluie et est associé à l'attente. Elle écrit d'ailleurs « Il pleut tellement fort, impossible de repartir ». Et plus loin, « Il faut attendre maintenant ». La fin de l'orage entraîne la rupture de l'attente et autorise la projection dans un futur proche et un futur plus lointain. On dirait que cela se calme, cela fait presque une heure. Je vais pouvoir repartir, ramasser le plan mouillé, passer encore 2 jours à Taipei et puis aller à Hong Kong pour faire un autre film. Gonzalez Forster passe d'un registre informatif à un registre descriptif qui l'amène parfois à faire une référence à un imaginaire collectif. Et maintenant un chien, il veut aussi s'abriter, un chien qui regarde la pluie, donc 2 chiens. Cela fait un peu Arche de Noé, un couple et des animaux, tout le monde sur la scène. Donc ces films proposent 2 types de regards ou directions de regard sur le monde environnant et sur la transformation du temps du lieu filmé, dans le temps du lieu filmé. Donc si par le commentaire Smith décrit la relation entre les corps et l'espace de la rue, c'est par la narration de sa propre expérience d'un lieu que Dominique Gonzalez Forster nous met en relation avec l'ambiance. Donc la parole de Smith est en fait tournée vers les personnes présentes à l'image dont il est censé diriger le jeu d'acteur. Et par le biais de ses instructions, en fait, nous avons accès à une description assez exhaustive de la rue et des passants. Par la narration, il vient exposer et souligner différents éléments. D'abord les passants ou personnages qui sont décrits selon plusieurs critères, donc le genre, l'homme, la femme, la fille, le garçon, le monsieur, l'âge, le vieux monsieur, la fillette, environ 8 ans, environ 32 ans, le jeune homme, l'origine, la famille jamaïcaine, la française, les relations de parenté, l'habillement et les accessoires, on parle de casquettes, cigarettes, turbans, mallettes, les gestes et attitudes, regarder devant vous, montrer du doigt, regarder derrière lui, se frotter les yeux, croiser les bras, regarder à gauche et à droite en traversant. Aussi l'activité professionnelle et la trajectoire des passants, les manières de marcher et les rythmes de la marche. Traverser de droite à gauche, traverser en courant, traverser prudemment. Les deux filles arrivent par la droite, les cinq garçons passent, la fille qui mâche du chewing-gum apparaît, etc. etc. Smith décrit aussi les véhicules mobiles, ainsi que le mobilier et le bâti. Et par la narration, Smith souligne aussi l'interaction qui existe entre filmant et filmé. Par exemple, quatre enfants arrivent par la gauche, l'un d'entre eux regardera par ici et battra l'air de ses mains. Donc ces différents éléments composent la narration de description de la rue, en révélant les présences et attitudes au moment du tournage. Mais si l'on se situe au-delà de ces différents éléments, ce que la narration révèle, c'est bien le rythme de la rue, en fait. C'est le rythme du récit, de la voix, qui traduit le rythme de la rue. L'accélération de la voix et les pauses dans le récit témoignent de l'affluence des passants ou de leur absence. Par moments, la voix ne peut pas énoncer assez rapidement la valse des présences, mais notre regard, qui depuis le début de la projection est à la recherche de la preuve visuelle en lien à l'énoncé sonore de Smith, détecte en fait l'enrayement du dispositif d'énonciation. Et donc la perception de l'accélération du rythme des présences n'en est que renforcée. La parole dans le film de Gonzalez Forster, la parole présente dans Taipei prend aussi en compte les rares personnes qui partagent son expérience. Elle dit « Je ne suis pas seule, il y a aussi des adolescents qui se sont abrités ici, deux chiens et des animaux. » Mais la narration n'est pas descriptive, n'est pas une description exhaustive de ce qui l'entoure. Ce récit est rythmé de nombreux temps morts, comme vous avez pu voir dans l'extrait. La parole est en suspens et le spectateur est confronté uniquement aux images et au son de la pluie tombant de plus en plus fort. Ces temps morts provoquent chez le spectateur l'attente de la suite du récit qui peut s'apparenter dans le film à l'attente de la fin de la pluie. Donc le rythme de la narration propose en quelque sorte de partager l'expérience de la vidéaste. De même, on pourrait, en suivant Roland Barthes, dire que dans Taipei, le message linguistique a une fonction de relais par rapport au message iconique. Dans The Girl Chewing Gum, ou tout du moins dans la première partie du film qu'on a vu, la fonction dénominative de la narration correspond à ce que Barthes appelle la fonction d'ancrage et permet d'identifier les éléments vus à l'image par l'adéquation et la redondance du récit et de l'image. Mais dans Taipei, avec la parole relais, le dialogue qui s'instaure entre la narration et l'image audiovisuelle n'a pas une fonction simple d'élucidation. La parole relais fait véritablement avancer l'action en disposant dans la suite des messages des sens qui ne se trouvent pas à l'image. Ainsi, c'est par la narration que nous comprenons la raison de la présence de la vidéaste dans ce parc de Taipei et que nous comprenons aussi la signification de ce parc dans la culture cinématographique. Ces informations ne sont pas perceptibles dans l'image audiovisuelle et c'est par la fonction relais du récit qu'image et texte viennent dialoguer. Tout en partageant les dimensions visuelles et sonores du lieu filmé, cette vidéo partage en fait par la narration et le dialogue entre image et récit l'expérience de la vidéaste teintée de son bagage culturel et de son imaginaire. Donc à partir de cette lecture de deux narrations, cette lecture brève, quels sont les registres de mise en forme du temps à l'œuvre dans ces deux films? Donc en s'exprimant à la troisième ou à la première personne, en fictionnalisant le réel pour mieux le révéler, ou alors en incarnant l'expérience d'un lieu pour mieux la partager, en optant pour une parole ancrage ou une parole relais, en s'imposant au premier plan de l'espace sonore ou en s'effaçant au second plan visuel de l'image par le biais de sous-titres, en étant continu ou discontinu, la narration dans les films participe de différentes façons à révéler la rythmicité de l'ambiance du lieu filmé. Ces deux films nous semblent proposer deux registres de mise en forme du temps. Le premier registre, avec le film de John Smith, propose la représentation d'un temps déchiffré à partir du recoupement ou de la disjonction des données fictionnelles de la narration orale et des données documentaires des images audiovisuelles, se dégage un déchiffrage possible du rythme de la rue. Et le second registre, avec la vidéo de Dominique Gonzalez-Forster, propose la représentation d'un temps vécu. La narration en sous-titre participe à l'incarnation du temps et fait partager au spectateur l'expérience vécue de la narratrice. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais se réagir de discussion. Dans l'ordre qu'il veut. T'as raison de pas te mouiller. J'ai pas entendu pourquoi. Non, j'étais méchant. Non, je sais, t'as raison de pas te mouiller. Hélène ? Allez, je me lance. Bon, alors, merci beaucoup pour cette présentation très riche. J'ai pas forcément tout saisi, mais c'est l'effet d'une présentation en un temps court, etc. Alors. Dans votre travail, moi, ce qui m'interpelle, alors je précise, parce que comme vous vous êtes présenté, moi aussi je vais peut-être me présenter, parce que c'est important quand même de savoir d'où on parle. Donc moi, je suis aménageuse urbaniste, si on peut dire, hein, donc notamment intéressée par l'usage des images dans les projets urbains, mais plutôt un usage donc par les politiciens ou les techniciens hein, qui sont en charge des projets, et donc comment par ces images ils transmettent un discours particulier sur l'espace, et donc plutôt dans un usage qui n'est pas du tout artistique comme les images sur lesquelles vous travaillez. Donc moi ce qui m'intéresse dans votre travail, c'est cette idée de comment en fait le lieu et la vie du lieu, hein, quand vous parlez de temps, pour moi il me semble que finalement on peut, enfin en tout cas dans mes mots à moi, on peut parler de la vie du lieu. Donc comment cette vie du lieu elle peut être finalement plus utilisée, plus connue, plus étudiée en elle-même. Dans le processus de projet, je trouve que c'est quelque chose qui est fort dans votre travail. Et justement, par rapport aux deux objets que vous avez choisis, donc les deux films que vous nous proposez, je me demandais nécessairement qu'est-ce qu'il y avait derrière le choix de ces deux films. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'une manière formelle, vous les avez choisis parce qu'ils sont différents l'un de l'autre, qu'ils offrent deux types de narration, qui sont à deux époques différentes, dans deux cultures différentes, enfin voilà, on n'est pas dans les mêmes continents, etc. Donc je vois bien ça, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu plus, ce qui, par rapport à une perspective de projet, hein, voilà, qu'est-ce que vous trouvez dans ces deux films qui puissent, du coup, renseigner. Alors on a peut-être, je pense, deux espaces publics types, qui seraient celui relativement fréquenté et celui plutôt, en tout cas du fait du climat au moment où la cinéaste est là, est plutôt vide. Donc du coup, moi j'ai un petit manque autour de qu'est-ce qui vous a amené à choisir ces deux films-là. Donc c'est une première question. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus, on va dire un peu plus aussi méthodologique. Vous dites qu'on peut filmer le sensible. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai j'aurais, en tout cas, dans mes manières d'aborder le terrain, quand même, un questionnement, c'est est-ce que l'on peut saisir ce qu'il en est réellement du vécu par une observation qui ne va pas jusqu'à l'intériorité de la personne filmée, c'est-à-dire la personne en action. Hein. Donc du coup, si on filme une sensibilité, c'est bien celle de celui qui filme et pas celle des personnages qui sont en train de... Voilà. Donc c'est pareil, si vous pouvez réagir cet aspect-là. Bon, je m'arrête là, je te laisse la parole et puis c'est gentil, je pourrais compléter par d'autres questions parce que j'en ai pas mal. Tu m'en as volé deux déjà. pareil, merci aussi. Donc, rapide présentation. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de travailler sur le rapport cinéma. Première entrée sur l'espace, proprement parlé. Qu'est-ce que le cinéma dit ou ne dit pas de l'espace? Donc là aussi, j'ai forcément mes questions vont partir un peu plus là-dessus. Et puis après, essentiellement, voilà ce qu'on peut faire, toujours pareil avec ce cinéma, de ce qu'il représente, de ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il est censé dire. Alors mes questions, ça va porter sur le principe de narration, le cadrage, le montage, parce qu'il y a quand même des éléments forts dans les deux, aussi bien dans les films, les deux extraits que vous avez sortis, que les petites présentations. Sur la première, c'est quand même, enfin sur la seconde à New York, c'est quand même le cadrage qui guide, c'est le cadrage qui fait le tout. Donc au final, dans le principe de narration, moi je le vois, enfin, peut-être que c'est une déformation où là encore une fois j'ai envie de voir, enfin, je vois ce que j'ai envie de voir, pour le coup au cinéma c'est bien fait pour ça, de se dire en quoi les autres techniques, parce que vous avez fait ce travail, de dire je vais quand même démonter avant d'en arriver au, justement cette mise en scène là, ce choix là, ces choix là de deux films, de dire je vais les regarder aussi par rapport aux autres techniques, montage, cadrage, mouvement de caméra, simplement ces analyses là, ces points, et de dire bon eux aussi, ils rendent compte du mouvement, ils rendent compte du temps. Mmh. Un western, c'est pas pour rien si un chariot il commence à partir de ce point-là pour aller à ce point-là. En une image, tout est compris, non seulement le cadre, le temps, enfin bref, il y a tout ce qui passe. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment ou un autre dans votre travail, justement, ce temps-là, de dire je vais essayer de segmenter et de voir au final ce qui est dit, pas dit, le champ, le hors-champ, ce qui est derrière, qui participe aussi du mouvement. Mmh. Mmh. Et qui participe à raconter ou ne pas raconter. Ne pas raconter l'histoire. Donc voilà, c'était vraiment ça, parce que sinon, effectivement, dire au final pourquoi ces films, est-ce que c'est les films qui viennent illustrer et justifier, et hop, ça tombe bien, ou il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière. D'accord. Si ça vous dérange pas, je vais peut-être rebondir directement sur la dernière question, parce que je suis pas sûre de tous ces, enfin de tous ces, mais les deux premiers extraits que j'ai montrés, c'était pas tellement en relation avec la question de la narration, c'était plutôt justement en quoi un même mouvement de caméra peut participer d'une de représentations, de mises en forme différentes du temps. Voilà. Après, dans le cadre de mon travail de thèse, justement. L'enjeu, c'est de, à partir de vidéos qui sont issues de disciplines et de domaines différents, donc des vidéos d'artistes, des vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de recherches urbaines ou alors de projets urbains, de voir comment, d'essayer de démonter les dispositifs. Et donc, c'est pas du tout uniquement l'intérêt sur la narration, mais aussi sur le cadrage, les mouvements de caméra, la relation entre la personne qui filme et les filmés, etc., etc. Donc, pour cette intervention, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc sur la narration, comme ça, ça va me faire avancer sur la question, comme on en parlait hier dans la présentation de Darwell. Voilà. Mais, donc, j'ai pas, pour ces deux films-là, je les ai convoqués pour l'intérêt que je trouvais. Du coup, je réponds en même temps à la question. Bah, voilà, l'attitude spécifique de la narration qui me semble un peu quand même particulière et un peu originale et du coup qui m'amène à réfléchir, en fait. Donc, je les ai convoqués pour la question de la narration, mais bien sûr, après, il y aurait énormément de choses à dire sur le cadrage et le reste, quoi. Mais ça, je n'ai pas encore fait spécifiquement. Okay. Ah non, mais c'est bon. Peut-être, effectivement, si j'ai manqué l'épisode de hier, ça explique peut-être ceci, cela, mais voilà, oui, ça s'y prête bien pour ce genre de choses, mais quelle place à côté de ça, de ce principe-là de narration, donc les autres éléments qui participent, ou en tout cas sont premiers dans un art qui s'appelle le cinéma, c'est la première chose, c'est ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, et la manière dont c'est cadré. Oui, ça, bien c'est, sûr. Voilà, c'est juste, voilà, quelle place ça a, ou est-ce que, effectivement, dans la mesure où cet exercice était exclusivement pour ça, en tout cas ça servait cette démonstration-là, le reste, bon, on sait qu'il est là. Voilà, moi aujourd'hui je me suis dit je vais prendre la question de la narration et donc convoquer deux films par rapport à cette question-là et ne pas développer tout le panel de dispositifs parce que sinon on n'aurait pas fini. Mais et puis aussi parce que justement je suis dans une étape de mon travail de thèse où il faut que j'essaye de clarifier tout ça, commencer à regrouper les choses, etc. Et donc j'ai recentré un peu sur la question de la narration. Et pourquoi ces deux films? En fait, ce qui m'intéresse aussi dans ces deux exemples, c'est pour moi représentatif de deux attitudes, et une qui pourrait, enfin, dit très grossièrement, une qui s'intéresserait à l'extériorité et l'autre plus à l'intériorité d'une expérience vécue. Et donc, ce que, voilà, enfin, Smith se pose en filmeur et observateur de la rue, donc bien sûr, au moment de filmer, il fait partie de l'environnement qu'il est en train de filmer, mais néanmoins, après, dans la narration, il se positionne, alors même pas, je dirais même pas forcément à l'extérieur, même de manière un peu surplombante, en créant ce récit et se mettant dans la position d'un directeur de jeu d'acteur. Et, mais néanmoins, il a quand même une observation un peu déjà postérieure et à distance des choses, tandis que ce que j'aime bien aussi, enfin, l'attitude de, qui pour moi me semble un peu différente chez Gonzalez Forster, c'est vraiment incarné, quoi. Elle parle à la première personne, elle filme en caméra subjective, il y a des mouvements de caméra hyper flous, et en même temps, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette vidéo, c'est qu'elle laisse à disposition l'espace visuel et sonore. Enfin, donc elle l'oriente bien sûr, mais le spectateur peut... elle ne vient pas brouiller les sons. Et donc elle nous offre juste une clé d'entrée par la narration dans sa subjectivité et aussi dans la manière de filmer, etc. Et donc voilà, c'était ces deux attitudes-là qui pour moi, effectivement, représentent une manière de vivre l'espace. Et donc ça rejoint aussi un peu la question du vécu de celui qui filme et du vécu des personnages, quoi. Enfin, ce que Gonzalez Forster témoigne à partir de ce film, c'est son propre vécu, c'est pas le vécu des gens qui partagent son expérience. Et après, je vais pas aller jusqu'à dire que Smith nous propose le vécu des gens de la rue, mais il y a eu quand même un rapport différent, quoi. Et en fait, par rapport à cette deuxième question aussi, je pense que dans tous les cas, une vidéo ne nous fait pas ressentir complètement le vécu de celui qui filme ou complètement le vécu de ceux qui sont filmés. Mais je pense que ça nous permet de comprendre quelque chose de la relation entre filmant et filmé et en fait de la relation qu'on a avec les autres dans l'espace. Et c'est aussi, du coup, pour moi, une clé de lecture de cette relation entre les corps et l'espace. Notre propre corps et les autres corps, donc percevant et actant, dans l'espace public. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que tu as vu le Vive l'amour ? Parce que tu parles d'espace public en permanente recomposition, et du coup, je me disais, est-ce que tu l'as regardé pour voir un peu ce que ça peut dire ? Sur du coup différents types de narration, une fiction apparemment, en plus une scène qui a l'air de durer un petit peu longtemps avec une jeune femme qui pleure, et en plus sur le parc en construction. Ouais, non, je l'ai pas vu. D'accord, ouais. Ma question. Non, mais c'est vrai que c'est... Parce que je me dis, ouais, qu'il y a peut-être quelque chose à regarder là sur comment, justement, pour déplacer un peu le vécu du simple, enfin, d'une seule personne, si en l'occurrence il a été utilisé dans deux films, peut-être d'autres, je sais pas, multiplier les points de vue. Ouais, carrément. Après, mais par rapport à l'espace aussi, parce qu'il m'intéresse si on enlève un peu le côté, si on met de côté la narration, un peu, c'est dans son film, ce qu'elle propose par rapport à l'espace, c'est aussi un retournement en fait, puisqu'elle vient. Elle vient dans un parc voir la scène d'un théâtre, et en fait, la situation fait que finalement, elle est sur la scène du théâtre, elle ne peut que regarder le parc et la pluie dans le parc. Et du coup, c'est ce décentrement que je trouve aussi intéressant et qui, là, est du coup issu de la situation et qui s'étale dans le temps et qui instaure vraiment un truc. Hein. Et enfin, c'est par rapport à ton commentaire sur la création du parc et tout ça. Et du coup, ce décentrement, il est volontaire, entre guillemets. Est-ce qu'elle a cherché à attendre qu'il y ait un orage pour justement montrer ce décentrement, ou en fait, c'est tout à fait... Ben ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas, j'aimerais bien la rencontrer pour lui demander, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a, dans les deux films, on a un rapport très froid à l'espace, en fait. Et que s'il n'y a pas le texte, il n'y a pas la parole, il me semble qu'il n'y a pas de narration. Bah, ah bon? Mais non, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une préparation. C'est ça justement la question, c'est ça, est-ce qu'il y a une préparation en amont de ce rapport au lieu, de ce lieu? Parce que c'est important aussi. Ou est-ce que c'est un pur hasard? J'arrive dans ce lieu, je le filme. Bon, apparemment, l'orage, c'est un pur hasard. Mais... voilà. Et... Mais elle, en fait, c'est toujours heureuse sur la parole, quoi. Si on l'enlève, si on la supprime, le sous-titre. Mais justement, en fait, moi, je verrais pas les choses de la même manière, je pense, parce que... On pose cigarette. Ah non, parce que sinon... je termine, je vais juste rapidement, parce qu'en fait... je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais en fait, pour moi, c'est justement le fait que ça ne soit pas construit dans le film de Gonzalez Forster qui, pour moi, ne rend pas ça du tout froid, quoi. C'est, enfin, effectivement, c'est maladroit, ça bouge, c'est bien cadré, bien cadré. Oui, les points, les horizons, l'espace vert. Oui, mais il y a des petits moments. Voilà. Ouais, non, mais c'est au sens, oui, l'espace, il est quand même pesant. Effectivement, le moment où il y a les éléments viennent tout coup sortir de ce rapport, dire tiens, effectivement, je regarde tout ça, ce qui intéresse, c'est le point de vue, je pars. Mais oui, eux, ils interviennent dans le principe de faire effectivement tourner l'attaque, sinon le premier, avec le plan comme ça, avec les joueurs qui est prêt, après exactement pareil. C'est l'espace qui est. On continue dans l'escalier. J'imagine votre. Je ne sais pas ce que tu veux. Ça, je crois qu'on n'est pas à mettre. Bon, il faut laisser tout qui vous met. Mais si ça brûle, je ne veux pas laisser. Non, mais ça. Je le prends.